Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un western moderne, la bataille des Sioux contre un oléoduc. Entre 2016 et 2017, pendant près d'un an, des milliers d'Amérindiens se rassemblent dans l'état du Dakota du Nord pour lutter contre la construction d'un pipeline. Long de presque 2000 km, ce gigantesque tuyau devait acheminer du pétrole en traversant 4 états, empiétant sur des terres que les Sioux avaient décrétées sacrées. Alors devant un tel affront, des milliers d'Amérindiens de toute Amérique du Nord affluent sur la réserve de Standing Rock, devenue la zone à défendre pour toute une culture, une ZAD de la survie en quelque sorte. Ce que l'on croyait appartenir à l'histoire et au folklore, la lutte des Indiens contre ceux qu'ils considèrent comme les envahisseurs blancs, ressurgit brutalement du passé. 4 siècles de guerre, de trahison et de massacres refont à leur surface et montrent à l'Amérique et au monde que la destruction des peuples amérindiens commencée en Amérique du Sud par les conquistadors espagnols ne s'est pas arrêtée à l'époque du Far West en Amérique du Nord. Notre invitée aujourd'hui, Corinne Lenn, correspondante du journal Le Monde aux États-Unis, autrice d'une formidable enquête en 6 articles sur les Indiens d'Amérique pendant l'été 2019. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay et Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Ancestors were a free people. Nos ancêtres étaient un peuple libre. Never forget that we were once a free people. For if we ever forget we were once free, we cease to be Lakota. N'oubliez jamais que nous étions un peuple libre, parce que si l'on oublie que nous étions libres, eh bien, nous cessons d'être des Lakota. C'est l'automne dans le Dakota du Nord, quelque part dans cette région des États-Unis qu'on appelle les Grandes Plaines. Une longue route s'enfonce dans les prairies à perte de vue, recouverte par des hautes herbes jaunies. Il n'y a pas d'habitation, seulement quelques fermes éparses et des chevaux qui broutent. Un panneau sur le bas-côté indique que la route est fermée. Pourtant, les chevaux se redressent et regardent passer les voitures qui, lentement, dans un cortège silencieux, suivent cette voie sans issue, au propre et peut-être même au figuré. Quand les voitures ne peuvent plus avancer, les uns après les autres, les passagers sortent et se mettent à marcher, sans rien dire. Ils sont des centaines, des hommes, des femmes, des enfants, des anciens. Quelques-uns ont des tambours à la main, qui les frappent lentement, en chantant. Sur le côté de la route, les voilà rejoints par des hommes et des femmes sur des chevaux. Certains portent de longues coiffes à plumes et des peintures de guerre. D'autres ont des pancartes à la main. L'eau est sacrée, disent-elles. L'eau, c'est la vie. Au bout de la route, ce sont des fils barbelés qui les attendent et une carcasse de camion militaire brûlé. De l'autre côté du barrage, en haut d'une colline, des voitures de police sont stationnées. Des policiers, la main sur la crosse de leur arme, scrutent la foule qui s'assied calmement. Un homme allume un petit bâton de foin séché dont il répand la fumée sur ses camarades. Au milieu de la route, sur un pavé en béton qui bloque le passage, quelqu'un a tagué « Les enfants ne boivent pas de pétrole ». Nous sommes à proximité de la réserve de Standing Rock, l'une des 5 réserves d'Indiens Sioux ou Lakota, comme ils s'appellent entre eux. D'un côté les Sioux donc, de l'autre leur terre sacrée, saccagée par un chantier sous haute protection. Ce chantier, c'est un oléoduc qu'on est en train d'enfoncer là où certains de leurs ancêtres et de leurs proches sont enterrés. First and foremost in my life, I'm a mom. Avant toute chose, je suis une mère. Et le fait que mon fils ait quitté ce monde ne change rien. Je suis responsable de sa tombe pour le reste de ma vie. Et j'ai le devoir de m'opposer quand quelqu'un veut faire passer un pipeline à côté. C'est simple, je suis une mère. Ladonna Brave Bull, traduisait Ladonna Taureau Courageux, décédé le 10 avril 2021, vivait dans la réserve de Standing Rock, une parcelle de terre sur laquelle le gouvernement américain a enfermé une partie du peuple Sioux à la fin du 19e siècle après l'avoir soumis. Et c'est un jour de juillet 2016 que cette femme a vu arriver, non loin de chez elle, une procession de bulldozers. C'est que, juste derrière les limites de la réserve, une entreprise du nom d'Energy Transfer veut faire passer un pipeline. Pour 3 milliards et 700 millions de dollars, le Dakota Access Pipeline est destiné à acheminer l'équivalent de 500 000 barils de pétrole par jour depuis le Dakota du Nord jusque dans l'Illinois, autrement dit 1800 km plus loin. Mais dans le Dakota, cette région froide, proche de la frontière canadienne, le tracé pose problème aux habitants de la réserve de Standing Rock. Et pour deux raisons. D'abord, le pipeline doit passer sous la rivière Missouri, tout au nord des États-Unis. Or, elle est la source d'eau potable de 17 millions d'Américains et l'unique source de toute la réserve. Alors si le pipeline venait à fuir, ce qui est souvent le cas avec ce genre d'installation, c'est l'eau de toute la réserve qui serait contaminée. Ensuite, même si la compagnie pétrolière a pris le soin de contourner la réserve en passant à peine à 1 km au nord, l'oléoduc traverse tout de même des sites sacrés. Et les Sioux estiment que si ces terres ne leur appartiennent plus, c'est que le gouvernement américain les en a spoliés. Alors en avril 2016, Lady Brave Bull et d'autres habitants de Standing Rock dressent un camp devant le chantier. Et en juillet, alors que les travaux commencent, Lady appelle à l'aide. Hier a été une journée dévastatrice. Mais le combat n'est pas terminé. Il vient de commencer. Nous devons résister ensemble, prier ensemble pour combattre ce démon, ce serpent noir. Je vous demande à tous de combattre. Je vous demande à tous de faire de votre mieux. Moi, je me battrai pour protéger l'eau et notre terre. Je vous demande à tous de venir lutter avec nous au camp de la pierre sacrée. S'il vous plaît, unissons-nous. En Lakota, la langue des Sioux, la rivière le long de laquelle le camp s'est installé s'appelle la rivière qui rend les pierres sacrées. Alors, le camp prend le nom de « camp de la pierre sacrée ». Depuis les quelques tentes et tipis tressés sur les rives, on peut voir au nord et à l'est les endroits où les anciens pratiquaient la danse du soleil, la plus importante des cérémonies Sioux. On distingue aussi, au beau milieu du chantier, des vieilles tombes et un ancien village Sioux. Mais l'appel de Lady Brave Bull résonne bien au-delà de la réserve de Standing Rock et au-delà du Dakota. Et tous les jours, de nouvelles tentes et de nouveaux tipis viennent grossir les rangs. Tous les jours, une file de 4x4 de pick-up attend patiemment de rejoindre la lutte. Des Cheyennes du Nebraska, des Navajos de l'Arizona, des Iroquois de Pennsylvanie, des Apaches du Nouveau-Mexique, d'abord des dizaines, puis jusqu'à plus de 300 tribus différentes affluent à Standing Rock. Du jamais vu. Le pipeline n'est pas qu'une offense au peuple Sioux, c'est un outrage de plus infligé à tous les Amérindiens. Des Indiens d'Amérique prêts à en découdre. Nous sommes sur le chantier d'un oléoduc dans le Dakota du Nord. Ce jour-là, malgré la présence des agents de sécurité privés et de leurs chiens, 300 manifestants amérindiens réussissent à faire fuir les ouvriers et les bulldozers. Je me suis battu pour ce pays. Et maintenant qu'ils veulent faire cela à nos terres, il est temps que je me batte pour les miens. Now is my time to fight for my people. 3 septembre 2016. Le soleil se lève sur un camp qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était 5 mois plus tôt. C'était une poignée de tentes et de voitures. C'est maintenant un gigantesque campement organisé des deux côtés de la rivière. Un campement fait pour durer. Partout, entre les caravanes, les tentes et les tipis, des drapeaux de toutes les couleurs flottent au vent, ceux des tribus amérindiennes. Criminals! You guys are criminals! Go get your money somewhere else! Come on, Plus d'un millier de manifestants se sont installés dans cette zone à défendre. Ils sont plus de 4000 le week-end et ils se réveillent en cette rentrée de septembre au bruit des bulldozers. Energy Transfer, la compagnie pétrolière, a préféré temporiser devant cette mobilisation inattendue, mais il est temps de reprendre le chantier. Alors les machines redémarrent et s'enfoncent à nouveau dans les terres sacrées. Les manifestants accourent en criant le slogan qu'ils se sont trouvés. Ni Vikoni en Lakota, l'eau c'est la vie. Mais Energy Transfer a anticipé. Devant les bulldozers, il y a des gardes habillés en noir qui retiennent au bout de leur laisse des chiens surexcités. Au-dessus d'eux, un hélicoptère de la police observe la scène stupéfiante. D'un côté les bulldozers qui soulèvent la terre, de l'autre les manifestants maintenus à distance par des molosses et des gaz lacrymogènes, la tension monte d'un cran. Alors, dans les risques d'un embrasement encore plus grave, Barack Obama lui-même ordonne la suspension des travaux. Première victoire pour les Indiens, elle sera de courte durée. Parce que dès le 10 octobre 2016, après un mois de répit, les travaux reprennent. Les bulldozers, inlassablement, se remettent à creuser et les manifestants à lutter. Mais cette fois, 27 d'entre eux sont arrêtés, dont une femme du nom de Shailene Woodley. Vous la connaissez peut-être, c'est une jeune actrice qui partage son arrestation en direct sur les réseaux sociaux. Et il fallait bien cela pour que les grands médias américains s'intéressent à Standing Rock. En 6 mois de mobilisation, pas un journaliste de CNN en effet, de CBS ou autres médias puissants n'avait été envoyé sur le lieu pourtant de la plus grande mobilisation amérindienne depuis le 19e siècle. Et chez les politiques, il n'y a bien que Bernie Sanders du Parti démocrate qui se soit exprimé sur le sujet. Et encore, une seule fois, la candidate à l'élection présidentielle, Hillary Clinton, elle, n'en a pas encore dit un mot. La cause amérindienne n'intéresse pas les États-Unis. Ironie du sort, en ce 10 octobre 2016, le jour de la reprise des travaux, c'est la Journée nationale des peuples indigènes. Un rendez-vous que les Américains ont instauré précisément quand le reste des États-Unis célèbre le Columbus Day, l'anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ce jour-là, à Standing Rock, se rejoue l'histoire américaine, celle de la destruction des Indiens par les colons. Et Laydona Brave Bull se souvient des anciennes prophéties. Je comprends maintenant la prophétie. Là-bas, j'ai vu notre prophétie de la 7e génération qui se soulève pour reformer le cercle. J'ai vu l'aigle et le condor venir à moi pour sauver le monde. J'ai vu que nous nous unissions contre le serpent noir qui tue la terre. Voilà nos prophéties et j'ai l'honneur de les vivre. Une vieille prophétie Lakota, en effet, annonçait la venue d'un grand serpent noir qui détruirait le monde. Et Crazy Horse, l'un des grands chefs Sioux, avait dit quelques jours avant de se faire tuer, « La Nation Rouge se relèvera et ce sera une bénédiction pour ce monde malade. Je vois dans cette génération toutes les couleurs de l'humanité se rassembler sous l'arbre sacré de la vie et la terre entière redevenir un cercle. Ce jour-là, les jeunes blancs se tourneront vers mon peuple et lui demanderont sa sagesse. Et si à Standing Rock se réalisait la prophétie de Crazy Horse? Et s'il était l'heure de la renaissance du peuple Lakota? David Archambault, le chef de la tribu de Standing Rock, écrit une tribune dans le New York Times le 2 novembre. Nous avons construit une communauté où des représentants de centaines de tribus indiennes se sont réunis pour s'opposer au dernier chapitre d'une histoire brutale et injuste. Quand les protecteurs de l'eau se tiennent face au pipeline, ils se tiennent sur une terre que les États-Unis ont promise à mon peuple et qu'ils lui ont retirée quelques années plus tard. La propriété privée n'était pas un droit si inaliénable que ça quand c'était les Indiens qui en disposaient. Nous continuerons à nous battre contre le Dakota Access Pipeline, mais nous savons depuis toujours que la justice est différente en territoire indien. L'affaire du pipeline n'a rien de nouveau, ajoute le chef de la tribu. Non, c'est la continuation de 4 siècles de trahison, de guerre et de massacre. Vous connaissez le mont Rushmore? Ces 4 présidents américains sculptés dans la montagne où Hitchcock a filmé le final de La mort aux trousses. Eh bien, sachez que les États-Unis ont choisi de faire construire ce monument précisément au cœur des terres les plus sacrées des Sioux. Oui, le mont Rushmore est en plein milieu de montagnes qu'on appelle les Black Hills et qui sont ce que les Sioux considèrent comme le cœur de tout ce qui est. Quand un Indien regarde mont Rushmore, il y voit Lincoln, qui leur a apporté la variole sur des couvertures contaminées, Washington, qui a exterminé des tribus entières, Jefferson, qui a voulu annuler les traités leur garantissant leurs terres, et Roosevelt, qui les a fait déporter. Les visages de 4 ennemis, sculptés sur 20 mètres de haut dans leur montagne sacrée. Les Indiens, et les Sioux en particulier, n'ont été qu'un obstacle dans la conquête du continent américain. De gentils sauvages ou des brutes sanguinaires opposés à la civilisation, c'est selon, mais dans tous les cas, des êtres inférieurs. Mais avant de devenir une guerre, la confrontation entre les Sioux et les Blancs est avant tout celle de 2 conceptions du monde. D'un côté, ceux qui chérissent la terre comme leur mère nourricière. De l'autre, les colons américains qui voient la nature comme une mine de ressources à maîtriser et à exploiter. Or, pour les Sioux, la terre ne s'achète pas. Et malgré les traités qui leur garantissent quelques droits, les Sioux se sont vus dépossédés de leur territoire. Ils l'ont d'abord vu traverser par le télégraphe, puis par le chemin de fer, puis se creuser sous les coups de pioche de blanc à la recherche d'or et se vider de ses bisons, la ressource la plus chère des Sioux, abattue par millions. Ils nous ont fait beaucoup de promesses, dit le chef Red Cloud, plus que je ne puis m'en souvenir. Mais ils n'en ont jamais tenu qu'une. Ils avaient promis de prendre notre terre et ils l'ont prise. Alors les Sioux, emmenés par leur chef Crazy Horse et Sitting Bull, se sont unis et se sont battus pendant près de 30 ans, entre 1860 et 1880, écrasant même l'armée américaine à la grande bataille de Little Big Horn en 1876, avant de se résigner et de se soumettre à la volonté d'un pays beaucoup plus puissant qu'eux. Les Sioux ont perdu leur mode de vie, leurs chefs se sont fait assassiner, jusqu'au coup de grâce, le 29 décembre 1890, dans le petit village de Wounded Knee. Russell Means, l'une des figures amérindiennes des années 70, raconte. Wounded Knee. On est ici, à Wounded Knee, sur la réserve Sioux de Pine Ridge, aussi connue sous le nom de camp de prisonniers numéro 44. Et voilà les fosses communes de ceux qui se sont fait massacrer ici, en 1890. Le chef Bigfoot et les siens, qui sont venus ici, sans armes, cherchaient à se protéger des militaires. Ils ont été arrêtés par le 7e de cavalerie. Et quand l'armée a reçu l'ordre, ils les ont massacrés, hommes, femmes et enfants. Plus de 300 victimes. Le massacre de Wounded Knee sonne la fin de la résistance. Et les derniers Sioux qui n'avaient pas abdiqué finissent par rejoindre les réserves. Les enfants sont placés dans des pensionnats. On les forme à devenir agriculteurs ou ménagères. Des prêtres les convertissent au christianisme, bien sûr. Les cérémonies sacrées sont interdites. La langue Lakota également. La culture indienne est éradiquée. Les Sioux effacés d'histoire. Et ils n'existent plus qu'en caricature dans la légende de l'Ouest. Dans les réserves, ils sont abandonnés à leur propre sort et survivent grâce aux subventions du gouvernement américain. La pauvreté explose, et avec elle la mortalité, la violence, l'alcoolisme. Les Indiens sont aujourd'hui les habitants les plus pauvres des États-Unis. Leur espérance de vie ne dépasse pas 50 ans. Un enfant sur 4 naît avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. Tenez, la commune de White Clay, dans le Nebraska, juste à la frontière avec le Dakota. 12 habitants et 4 millions de canettes de bière vendues à la réserve de Pine Ridge, juste à côté, pour la seule année 2012. Les Sioux constitue l'exemple le plus probant de cette destruction. Mais l'histoire, moins racontée, est la même chez pratiquement toutes les tribus. Alors quand certains Sioux appellent leur peuple à réagir, c'est en réalité à tous les Indiens qu'ils s'adressent. Et c'est le cas de Russell Means, qui parle ici à ses semblables dans une émission radio qu'il présente. J'en ai vraiment assez, ça me révolte de voir autant de pauvres chez nous. Je veux susciter votre colère envers votre pauvreté, non pas votre colère entre vous. Vous devriez être en colère contre le fait que vous êtes pauvre. Nous avons le droit de vivre. Et on ne peut pas vivre si nous restons dépendants du gouvernement fédéral et de ses piètres subventions. Combien d'années faudra-t-il pour que vous vous rendiez compte que nous ne sommes que des mendiants totalement dépendants du gouvernement des États-Unis qui nous laisse des miettes? Cette révolte, c'est à Standing Rock, face au pipeline, qu'elle se fait entendre de la façon la plus éclatante. Le Dakota Access Pipeline se construit précisément là où, en 1958, le gouvernement américain avait spolié 300 km² supplémentaires aux Sioux pour construire un barrage. Et une confrontation de plus entre les Indiens qui veulent respecter la nature et les États-Unis qui veulent l'exploiter. Ces sites doivent être protégés, dit Leydena Brave Bull. Sinon, notre monde mourra. Et nos jeunes ont le droit de savoir qui ils sont. Standing Rock sonne le réveil des peuples amérindiens, car c'est le plus grand rassemblement de tribus depuis la bataille de Little Big Horn. Début novembre 2016, l'hiver est en avance. Au camp de Standing Rock, les yourtes et les tentes se resserrent les unes contre les autres en attendant la neige qui ne devrait pas tarder. Un un système de collecte d'ordures et de toilettes publiques a été mis en place. Tous les jours, pour le déjeuner et le dîner, de grandes cuisines en plein air et dans les tipis s'occupent des grillades et de la soupe. Devant sa tente, un homme pédale toute la journée sur un vélo stationnaire. Oui, il recharge les batteries des téléphones. Ma mission, dit-il, c'est que l'on puisse montrer ce qui se passe vraiment ici. Dans quelques jours, le 8 novembre, ce sera l'élection présidentielle. Et elle peut décider du sort de la mobilisation. Hillary Clinton, donnée grande favorite face à Donald Trump, s'est enfin exprimée sur le Castanin Rock. À peine son communiqué a-t-il été partagé par son équipe de campagne qu'il a couru de tipi en tipi sur le campement. Depuis le début de cette campagne, dit le communiqué, la secrétaire Clinton a exprimé clairement que toutes les voix devaient être entendues dans les projets d'infrastructures fédéraux. Il est important que tout le monde respecte le droit de manifester calmement et le droit des travailleurs à travailler en sécurité. Connerie, réagit une manifestante, résumant bien l'esprit de tout le campement. De toute façon, le 8 novembre soir, Standing Rock apprend en même temps que le monde entier qu'Hillary Clinton ne succédera pas à Barack Obama. À près de 3 heures du matin, CNN annonce en effet la victoire de Donald Trump. Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. This is a moment a lot of people are going to remember. Standing Rock n'attendait pas grand-chose d'Hillary Clinton. Mais le campement sait que Donald Trump est en faveur du pipeline parce que c'est bon pour les affaires, évidemment. Le lendemain, le patron d'Energy Transfer se dit même 100% confiant. Et il a ses raisons. Il a personnellement investi 100 000 dollars dans la campagne de Trump, comme il avait investi dans celle de Rick Perry, gouverneur du Texas, lancé dans la primaire des Républicains et futur secrétaire à l'énergie de Donald Trump. Le nouveau président possède lui-même entre 500 000 et 1 million de dollars en actions chez Energy Transfer, et la même somme chez une autre entreprise qui possédera 25% du pipeline, même s'il prétend les avoir vendus. Autant dire que les espoirs de victoire de Standing Rock en prennent un coup. Et pourtant, dans la soirée du 20 novembre, une douzaine de jours après l'élection, les manifestants entament une nouvelle offensive. Au bout de la route, entre les bulldozers et les manifestants, il y a maintenant de longs rouleaux de fils barbelés entortillés et des policiers qui, 24 heures sur 24, se relaient pour bloquer le passage. Mais chauffés à blanc par l'élection, 400 manifestants s'amassent devant le chantier et menacent de passer en force. Il est 18 heures, la nuit tombe, la température aussi, il fait moins 15, la rivière est entièrement gelée. Et sous la pression des manifestants, les policiers lancent de premières grenades, qui ne dispersent personne. Au contraire, la foule continue d'avancer. Alors du haut d'un camion blindé, un canon à eau se met en marche et asperge les manifestants dans la nuit glaciale. L'annonce ne tarde pas. Dans la foulée, le gouverneur du Dakota du Nord ordonne un renforcement des forces de police et l'évacuation d'urgence du campement pour, dit-il, protéger les manifestants du froid. Malgré tout, le camp reste en place et attend avec angoisse la décision de Trump une fois qu'il sera élu. Le nouveau président a leur sort entre ses mains et il n'y a évidemment pas de surprise. Le 24 janvier 2017, 4 jours après son entrée en fonction, Trump signe le décret autorisant la finalisation des travaux. L'un des hommes les plus âgés du campement, un Sioux qui se fait appeler Ghost, réagit. Il ne réfléchit pas avant d'agir ou de parler, ce Trump. Si tu es un leader, tu ne peux pas agir ainsi. J'aimerais bien qu'il vienne ici, qu'il vienne voir les conséquences négatives de ce chantier. Tous ces gens ne regardent pas assez loin dans l'avenir. Ils parlent tout le temps de dollars. Moi, je leur parle d'histoire, de la planète, d'un site sacré où sont enterrés nos ancêtres. Eux ne voient rien de tout cela. S'ils ouvraient les yeux, peut-être qu'ils verraient. À la mi-février, les bulldozers creusent à nouveau et il n'y a plus rien à faire. Le 22 février, le campement est évacué. Les tipis sont démontés, les drapeaux sont repliés, les caravanes repartent, résignés. Les manifestants s'enlacent, brandissent une dernière fois leurs pancartes et leurs drapeaux, pleurent en regardant le chantier touché au but, et le village se défaire sous leurs yeux. Et alors qu'une installation en bois brûle au milieu du camp, les derniers manifestants entament une marche de prière, tambour à la main. En tête du cortège, un homme brandit un drapeau américain, mais un drapeau renversé, les étoiles vers le bas. La défaite est amère, mais est-ce vraiment une défaite ? Le 25 juin 2019, 3 ans après le début du camp de Standing Rock. C'est l'anniversaire de la bataille de Little Big Horn, remportée par les Sioux de Crazy Horse et de Sitting Bull contre l'armée américaine en 1876. Dans les réserves, à Standing Rock et ailleurs, on rejoue la victoire au soleil. Les jeunes Sioux s'affrontent à cheval. L'un d'entre eux se déguise en général Custer, le général américain vaincu, et s'enfuit en courant. Celui qui le rattrape et qui vole sa bannière étoilée gagne $100. Le pipeline est terminé, le pétrole désormais coule sous la rivière Missouri. Mais l'esprit de Standing Rock s'est propagé partout. C'était notre Wounded Knee, dit l'une des anciennes du camp, le point d'ancrage de notre génération. Avec Standing Rock, la fierté indienne est revenue, et avec elle, la conviction que leurs ancêtres étaient des défenseurs de l'environnement avant l'heure. We are still here, écrivent à leurs compatriotes les jeunes indiens sur les murs de leur ville. Autrement dit, on est encore là. Génération Standing Rock. There's a battle raging on the sacred land. Our brothers and sisters had to take a stand. Against us now for what we all been doing. On the sacred land there's a battle brewing. Somebody would share the news. I wish somebody would share the news. I wish somebody would share the news. Oh, now it's been 500 years. We keep taking what we give away. Just like what we call Indian givers. It makes you sick and gives you shivers. I wish somebody would share the. And ripping the soil where graves are scattered and blood was boiled. When all who look can see the truth, but they just move on and keep their groove. I wish somebody in our neighborhood, across our farms and through our waters, all at the cost of our sons and daughters. Yeah, our brave sons and beautiful daughters, we're all here together fighting poison water. That's what we have at the end of day. I wish somebody would share the. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la résistance des Sioux. Notre invité Corinne Laine. Bonjour. Bonjour Fabrice. Correspondante du journal Le Monde aux États-Unis, vous nous appelez de San Francisco, au petit matin. Vous êtes l'autrice d'une formidable enquête en 6 articles sur les Indiens d'Amérique pour le journal Le Monde. C'était pendant l'été 2019, autant dire qu'il nous a inspiré pour ce numéro d'Affaires Sensibles. Merci. Alors, Corinne Laine, à l'heure où nous parlons effectivement du pétrole coule dans le Dakota Access Pipeline, mais cette mobilisation, apparemment, n'est pas un échec, pour autant, pour les Amérindiens. Non, ça ne l'est pas, je pense, parce que sur deux plans, le plan opérationnel et puis le plan symbolique. Sur le plan opérationnel, le combat s'est déplacé sur le terrain judiciaire. La justice est encore saisie donc du tracé du pipeline. La Cour suprême en fait vient de refuser la requête de la compagnie refusait de faire une nouvelle étude d'impact sur l'environnement. La Cour suprême vient de refuser cette requête, donc cette nouvelle étude va avoir lieu, très importante. Elle sera publié d'ici l'automne. Donc, sur ce point de vue-là, les tribus continuent à espérer. Sur le plan symbolique, il y a eu effectivement un rassemblement, vous l'avez dit, des tribus, assez sans précédent dans le monde indien, mais aussi une alliance avec les écologistes, des mouvements de défense de la nature qui sont très puissants aux États-Unis, qui avaient tendance un peu à prendre le dessus sur tout ce qui concernait les luttes contre les énergies fossiles. Mmh. Les tribus elles-mêmes avaient des intérêts différents, c'est-à-dire qu'en fait elles voient arriver les écologistes en disant mais nous on a besoin de notre charbon, et en fait pour la première fois il y a, sous la pression des jeunes d'ailleurs, dans les tribus il y a eu aussi ce basculement où on veut en fait aussi ne plus dépendre de l'énergie fossile et des industries d'extraction. D'ailleurs, ils avaient raison avant tout le monde, tous ces Amérindiens qui vouent un culte à la nature face à des colons qui, eux, exploitent la nature. Ben voilà, aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le vrai. Alors, vous avez rencontré des Sioux, je crois, des Navajos aussi, entre l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique, le peuple Yurok en Californie. Comment veulent-ils qu'on les appelle aujourd'hui, des Indiens, des Amérindiens, des natifs, des indigènes? Comment se définissent-ils? Oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait, on a cette un peu tendance à être très politiquement correct, et nous, on va dire les Amérindiens, ce qui va être un peu les Native Americans dans la langue américaine. Mais j'ai la question justement que j'ai posée. Comment voulez-vous qu'on vous appelle? Effectivement, c'est très nuancé, parce que le droit indien, il y a beaucoup de gens qui veulent être appelés indiens, contrairement à ce qu'on pense en Europe. Mmh. Parce que le droit indien, c'est quelque chose de fondamental. C'est leur existence qui dépend des traités qui ont été passés avec les États-Unis, traités d'État à État. Et donc, même si les traités ne sont pas respectés, ils sont là. Et le droit indien, c'est quand même l'arme. Le droit, c'est l'arme du faible. Et comme on le voit avec Stanley Brock, il y a quand même un moment où la justice est saisie lentement. Donc, le Native Americans, ça, c'est plutôt donc assez politiquement correct, hein, comme on dit, afro-américain plutôt que black, mais tout le monde ne l'adopte pas, parce qu'en fait on peut être natif de New York, on peut être natif d'ailleurs. Les jeunes préfèrent donc indigène, parce que ça souligne l'appartenance au continent américain, et donc les problèmes quand même de largement communs aux habitants premiers du continent. Les gens préfèrent être appelés du nom de leur tribu. On n'a rien à voir. On est Hopi, ou on est Cheyenne, ou on est Séminole. Les tribus n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, on peut le dire, le nom de Sioux, tout, qui est un mot qui vient du français, n'est pas du tout admis par les tribus que nous disons Sioux, ils se disent Lakota. Mais donc le indien, c'est quand même quelque chose qui réunit tout le monde. Et quand on voit, par exemple, à Alcatraz, donc, qui est un endroit qui a été le point de départ de naissance du renouveau indien, donc entre 69 et 71, ils ont écrit, les militants avaient écrit, quand ils ont occupé, ils ont écrit « Indians welcome », »,« Bienvenue aux Indiens ». Pour les 50 ans de cette occupation, quand ils ont demandé à repeindre, ils ont obtenu le droit de repeindre, ils ont repeint cette instruction, la même « Indians welcome ». C'est leur identité, c'est quand même, même s'ils sont évidemment très furieux que ce soit l'identité qui leur ait été collée de l'extérieur. Ce qui ressort de tout cela aussi, c'est que ce problème des Indiens d'Amérique, leur acculturation, parce qu'ils sont quand même victimes d'une acculturation, hein, on les a privés de leur culture, pas en totalité, mais beaucoup. On a l'impression que ça mobilise pas la population américaine, ni même le personnel politique, que pire que ça, peut-être, on n'en parle pas, que c'est peut-être même tabou. On parle pas de ça. Non, je pense que ça a vraiment changé. Déjà, alors donc ça a changé déjà historiquement. Il y a eu en 53, les États-Unis ont essayé d'en finir avec les réserves, c'est-à-dire en disant bah finalement ils sont pas bien, ils sont très pauvres là-bas, on va les avoir. Donc on leur a envoyé des bus pour les emmener dans des centres d'emploi, etc. Ça n'a pas marché. Donc il y a eu toute cette révolte des années 70 et l'occupation donc de Wounded Knee donc en 73. Nixon leur a donné raison et en fait il a mis fin à cette politique. C'était vraiment appelé de termination, enfin termination de démantèlement, si on veut, des réserves. Donc là, il y a eu toute une reconquête quand même de, c'est très lent, mais il y a eu une reconquête d'autonomie, il y a une médecine indienne, il y a une justice restaurative, les Indiens ont donc leur force de police, il y a quand même une grande autonomie des réserves. Donc, ensuite, effectivement, il y a tout un tas de problèmes sociaux qui ne sont pas réglés pour tout un nombre de... Mais donc, il y a, depuis Barack Obama, il y a eu là une volonté d'aller plus loin et de donner une autonomie plus grande, notamment de les associer à la gestion des parcs nationaux qui sont en partie sur le territoire de leur réserve, ou en tout cas qui mordent sur le territoire. Il y a une fierté d'être amérindien qui est revenue et le monde américain s'en est aperçu. Il y a des élus, donc on a eu en 2018, on a eu deux indiennes, deux femmes en fait, qui ont été élues pour la première fois au Congrès. Biden en a nommé l'une d'elles, Deb Haaland Pueblo, qui est devenue ministre. C'est la première ministre en fait d'un gouvernement américain, et elle a été nommée ministre de l'intérieur, c'est-à-dire l'aménagement des territoires, les ressources naturelles, donc des choses extrêmement importantes du point de vue des Indiens, puisqu'en fait c'est elle qui contrôle l'attribution des permis de forêt d'exploiter. Biden continue en fait sur cette avancée. Il y a tous les ans maintenant, il y a un sommet, en fait, États-Unis tribus, comme des parties égales. Il y a une consultation beaucoup plus grande, en tout cas, elle est recommandée par le gouvernement américain pour tout ce qui est justement permis d'exploiter. Trump avait supprimé Obama avait créé un très très grand parc qui s'appelle Bears Ears dans l'Utah, et Trump l'avait amputé de 85% de sa superficie, parce que justement le classer en parc national, ça empêchait les forages de gaz et de schiste. Et en fait Biden l'a rétabli, il a repris sa forme, et il est de nouveau en fait exploité par le parc national, mais conjointement avec les tribus. Corinne Laine, on se retrouve dans 3 minutes, ne quittez pas, surtout, hein, depuis San Francisco. On écoute Sébastien Tellier, Porté par le vent. No. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le combat des Sioux contre le pipeline. Corinne Lenne, notre invitée, il faut surtout pas, ce serait un très mauvais service à leur rendre que de tomber dans le folklore et repartir dans nos souvenirs de gamins, les cow-boys et les indiens, surtout pas ça. Mais n'empêche que quand on est gosse, on connaît mieux les Sioux que d'autres tribus. Est-ce qu'ils tiennent aujourd'hui une place particulière parmi les Indiens d'Amérique, les Sioux? Oui, c'est sûr. Chaque tribu a en fait un peu son image ou son rôle dans le monde indien. Les Navajos, c'est la puissance politique. Leur réserve est la plus grande. C'est grand comme l'Irlande. Hein, c'est plus grand que 11 États américains. Les Cherokees sont les plus nombreux, même si dans des territoires, des réserves très, très morcelées. Les Hopis sont les sages, un petit peu, les intellectuels. Et les Sioux, donc, ce sont les rebelles, les combattants. Ce sont les derniers, comme vous l'avez dit, hein, leur défaite à Wounded Knee, là, en 1890, a vraiment clos la résistance du monde indien. C'est un peu comme ça qu'on comprend. En même temps, l'occupation donc de 1973 à Wounded Knee a été l'endroit de la renaissance en fait du monde indien. Ils continuent de refuser l'indemnité donc de $1 milliard que le gouvernement a été condamné à leur verser en 1980 hein, pour les Black Hills, leurs terres sacrées qui leur a été donc retirées, et continuent à refuser de toucher cet argent. Et il est vrai qu'ils continuent à avoir cette image justement de rébellion, et c'est ce qu'on l'a vu à l'œuvre donc tout à fait à Standing Rock. Voilà, les incorruptibles. Justement, on va revenir sur cet épisode Wounded Knee, là où 300 Sioux sont fait massacrer par l'armée américaine en 1890. En 1973, des Sioux ont organisé une opération extraordinaire, une occupation qui a duré 71 jours, soldée par 2 morts. Voici comment la télévision française en parlait en mars 1973. Retranchés dans cette église de Wounded Knee, les Indiens Sioux retiennent en effet 11 otages depuis 2 jours. Armés de fusils et de pistolets mitrailleurs, 200 Indiens ont pillé et saccagé les magasins de ce village où, au siècle dernier, les troupes fédérales avaient massacré 300 d'entre eux. Pour protester contre la discrimination raciale dont ils sont victimes, les insurgés tirent depuis mardi sur toutes les voitures qui s'approchent de Wounded Knee. Une centaine de policiers du FBI a encerclé le village. Ils tentent de parlementer, mais les Indiens paraissent décidés à résister à tout assaut des forces de l'ordre. Voici ce que dit leur chef. Nous ne retenons pas d'otages, ce sont des prisonniers de guerre. De notre part, ils ne risquent rien, mais le danger existe si les troupes décident d'attaquer. En effet, la plupart des 650 000 Indiens des États-Unis refusent d'être parqués dans des réserves qu'ils appellent des camps de concentration. Qu'est-ce que ça vous inspire, Corinne Lenne? Et ça m'inspire que les Indiens sont beaucoup plus nombreux maintenant, et que donc on compte à peu près 2,5 millions de gens qui donc se déclarent indiens 100%, et puis 2,5 millions qui se déclarent donc avoir une origine dans une tribu et puis une autre filiation. Les Indiens refusaient à l'époque d'être parqués dans des réserves, mais en fait ils se sont réappropriés, et il y a un retour en fait dans les réserves. D'ailleurs, au moment de la pandémie, on a revu ça, et il y a eu des conséquences d'ailleurs sur des mobilisations, des jeunes qui sont rentrés, qui ont créé des associations, etc. Donc ça a été le départ du renouveau indien, et certainement la prise de conscience de ça par le public américain, elle est très récente en fait. Elle date pratiquement justement des années Obama, où en fait on revoit les Indiens, on les revoit justement dans des combats, et surtout on a l'impression qu'ils le disent, ils ont eu raison avant sur l'environnement, sur le lien avec la nature, sur pour les jeunes, sur la défense des homosexuels, où en fait c'était quelque chose qui était traditionnellement admis dans les tribus. Et donc c'est le lieu où on est né, c'est le lieu où, quand on y va, on voit ce cimetière, le cimetière donc du massacre de 1890, qui est juste à l'entrée de Pine Ridge, la petite localité. Il y a des drapeaux, et puis il y a tout sur les tombes, il y a tous ces petits rubans qui sont restés là et qui flottent au vent. Il y a quelques petits étals où des gens vous vendent quelques cartes postales ou des boucles d'oreilles, des choses comme ça. C'est très présent, c'est très présent. Et il faut dire aussi, peut-être aussi, ce qui reste très présent, c'est le donc Léonard Peltier, ce militant a été donc incarcéré pour donc il y a eu deux morts, le FBI il y a eu deux tués donc en 73, il est toujours en prison depuis et ça ils ont les Indiens, les chefs des tribus d'ailleurs réunis ont demandé une nouvelle fois à Biden sa grâce. Il n'a jamais été gracié, même par Obama, parce que la police continue à s'opposer même à ce qu'il fasse de la peinture et ce qu'il vende ses peintures dans des expositions pour financer une bourse d'études qu'il donne aux gens de la tribu. Corinne, une dernière question. Alors, il y a une expression un peu tarte à la crème, hein, tradition et modernité. J'ai l'impression quand même que quand on voit les jeunes Amérindiens épouser les idées d'aujourd'hui, hein, vraiment les idées modernes, il y a ce mélange de tradition et de modernité. On peut le dire pour les Amérindiens, sans être dans le cliché. Ah non, tout à fait. Il y a un syncrétisme, en fait. Ils se disent eux-mêmes les premiers à être vraiment libres de leur de se sentir indien, libre et fier. C'est vrai que leurs parents, en fait, avaient eu des parents qui étaient dans les internats. Enfin, c'est vrai que là, ils ont cette impression justement d'une meilleure reconnaissance, sinon connaissance. Et ils ont des combats, en fait, qui sont adoptés par l'ensemble des jeunes, par exemple, qui résonnent bien. Ils ont un combat contre les mascottes. Vous savez, où les intitulés comme Peau Rouge, les équipes de sport aux États-Unis aiment bien, ça leur donne cette impression d'invincibilité, hein, de s'appeler Redskin, comme l'équipe de Washington qui vient de changer le nom. Donc, ils ont des combats comme ça contre ils essayent de relancer la culture traditionnelle pour en fait lutter contre l'obésité. Ils sont tout à fait en phase avec la jeunesse américaine et aussi sur le sort des femmes. Il y a énormément de femmes en fait dans les réserves qui ont disparu pour ces raisons de traiter. Les Indiens ont donc leur justice, mais s'il y a un crime commis sur la réserve, c'est le FBI et non pas la police de l'État, mais c'est le FBI, donc la police fédérale, qui en est saisie. Et bien sûr, ils ne se dépêchent jamais, ils ne se précipitent pas pour aller enquêter sur des meurtres de femmes dans les réserves. Et là, les jeunes ont pris cette cause, la défense de cette cause, et la ministre, là, Deb Haaland, a, dès qu'elle est arrivée, lancé une commission là-dessus pour essayer d'accélérer les procédures, d'enquêter. Tout ça, ce sont les jeunes qui se mobilisent sur ces causes qui sont aussi celles des jeunes Américains en général. Les femmes, les maltraitances, le respect des minorités. Donc, effectivement, on ne va pas les offenser avec des noms qui les offensent, etc. Très bien, Corinne Laine. Merci infiniment pour tous vos éclairages. Merci de nous avoir appelés de si loin, de San Francisco. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le combat des Sioux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sofiane Aktib. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Héloïse Rambert, Marjolaine Corr et Romain Weber. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Valentine Chaudebois. Coordination, Christophe Barrère. Lecture, Aurélien Labruyère, Anne-Laure Barral et Stéphane Mezziani. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combe.